cette force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. N'aie pas peur. Parce que tu veux entreprendre un voyage, l'Éternel lui-même gardera ton départ et ton arrivée. L'Éternel va t'accorder la bénédiction. Invoque son nom, n'aie pas peur, parce que lui-même t'accompagnera. Et ce voyage sera un voyage de bénédiction pour toi. Réveille-toi, nous allons prier. Tu vas invoquer le nom de Jésus. Réveille ton mari, réveille ta femme, nous allons prier. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche, Éphésiens chapitre 1. Versets 7 à 10. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour mon pays, je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour ma famille, je prie avec OSB. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Éphésiens 1, 7 à 10. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités. Nous poursuivons notre réflexion sur les bénédictions en Christ. Hier, nous avons vu que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Aujourd'hui, voici encore la première vérité. Nous avons la rédemption par le sang de Jésus-Christ. Le verset 7 dit « En lui ». C'est-à-dire en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. La rédemption, c'est quoi? La rédemption, c'est le rachat d'un esclave. Lorsque tu étais sans Jésus, tu étais esclave. Esclave de quoi? Esclave de Satan. Esclave de quoi? Esclave de la loi. Esclave de quoi? Esclave du péché. Vous voyez, le triple esclavage. Esclave de Satan, esclave du péché, esclave de la loi. Il a fallu donc que Jésus-Christ meure sous la croix de Golgotha pour verser son sang comme une rançon. Pour nous racheter, pour te racheter, pour t'enlever de ce marché d'esclaves. Je vais parler à quelqu'un. Dans ta famille, on a fait des cérémonies où tu étais vendu aux sorciers. Où tu étais vendu, on a dit que tu ne te marieras pas. Je parle à toi, jeune fille. On t'a vendu à l'esprit des sirènes des eaux. Maintenant que je parle, la puissance du sang de Jésus est en train de se déverser sur toi maintenant pour briser ces liens, pour te libérer de cet esclavage en Jésus-Christ. Tu dois refuser cet esclavage parce que Jésus-Christ t'a racheté. La Bible dit que Jésus-Christ nous a rachetés par son sang, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Il y a des choses que tu as héritées de tes parents. Il y a même des maladies que tu as héritées. Tout le monde est mort de ces maladies-là. Des choses bizarres qui commencent au niveau des liens ancestrales. Mais Jésus a versé son sang pour que tu sois racheté de toutes ces choses. On dit en lui, lorsque tu es en Jésus, tu as la rédemption. Tu n'es plus esclave. Ce n'est plus normal que Satan, que les démons continuent à dominer sur ta vie. Ce n'est plus normal que les sorciers continuent à dominer sur toi. Ce n'est plus normal que les péchés continuent à régner sur toi. Ce n'est plus normal que les mensonges, la colère dominent sur ta vie. Parce que en Jésus, tu bénéficies de la rédemption par son sang. Est-ce que tu comprends cela? Deuxième vérité. En Jésus-Christ, nous bénéficions de la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La rémission signifie le pardon des péchés. En Jésus-Christ, je veux parler à quelqu'un. Peut-être que ta vie, avant de connaître Jésus, était une vie mouvementée. Tu as connu des avortements, à telle enseigne que tu te sens coupable. Tu as été dans une bande de gangs. Je parle à toi, mon ami. Tu as participé même au meurtre. Tu étais un meurtrier. Parce que tu étais dans un mouvement mystique où vous étiez en train de sacrifier des vies humaines. Mais tu as eu la grâce de connaître Jésus, de rencontrer Jésus. Tu ressembles à Saul de Tarse. Lui qui était malfaiteur, lui qui était persécuteur. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus de Nazareth, Jésus lui a pardonné tous ses péchés. Je vais te dire que lorsque tu es en Jésus, tu bénéficies de la rédemption, de la rémission. Jésus te pardonne. Il a effacé l'acte dont les ordonnances t'ont condamné. Tous tes péchés passés, Jésus ne les considère plus. Parce que en lui, le sang de Jésus efface tous tes péchés. Tu bénéficies de la rémission. Il te pardonne tous tes péchés. Voilà pourquoi la Bible va dire dans notre passage, il n'y a donc maintenant aucune condamnation de ceux qui sont en Jésus. Vous savez ce que le diable fait? Son travail, c'est d'accuser. C'est-à-dire, il crée en toi l'esprit de culpabilité. Si tu as commis un péché, tu peux revenir au Seigneur. Lorsque tu confesses tes péchés, le diable n'a plus le droit de te rappeler, de te dire que ces péchés-là, Jésus ne peut plus te pardonner. Non. Est-ce que tu comprends? En Jésus, quand tu es en Jésus, tu bénéficies de la rémission des péchés. Il te purifie par son sang lorsque tu demandes pardon. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, d'abord tu bénéficies du premier pardon. Ce pardon qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce pardon qui fait que Dieu te regarde étant saint, sanctifié. Mais maintenant, lorsque tu deviens chrétien, il peut arriver que tu commettes un péché. Mais tu ne dois pas programmer, tu ne dois pas te complaire dans le péché. Mais s'il t'arrivait de pécher, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu dois faire, c'est de demander pardon. Est-ce que tu comprends? Tu confesses les péchés, tu reconnais, Seigneur, j'ai fait telle chose. Tu reconnais, tu ne cherches pas à te justifier. Tu reconnais que Jésus est mort sur la croix de Golgotha pour que tu bénéficies de la rédemption. Son sang efface tes péchés et tu reçois le pardon de tes péchés. Maintenant, si tu sens dans ton cœur une petite voix qui te dit « Non, tu n'es pas pardonné », ça, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix du diable. Ça s'appelle esprit de culpabilité. Il faut chasser cet esprit. Est-ce que tu comprends? Il faut lui dire qu'en Jésus, tu as la rédemption, c'est-à-dire tu as le pardon de péché. Et il est dit ici « Selon la richesse de sa grâce ». Vous voyez, le pardon de péché fait partir de grâce divine. Quand on parle de la grâce, c'est-à-dire c'est une faveur non méritée. Jésus ne te dit pas que avant que je te pardonne, voici je te donne des conditions, il faut que tu payes tel montant d'argent, non. On dit selon la richesse de sa grâce. Vous voyez, pourquoi Dieu nous pardonne? Il faut bien comprendre cela. C'est parce que Jésus-Christ a accepté de prendre notre place. Comme le premier Adam, il a péché et nous tous nous avons péché en Adam. Il a fallu qu'un autre Adam, c'est Jésus-Christ, il a été soumis à toutes les tentations comme le premier Adam. Mais il n'a jamais commis de péché. Mais il a accepté de payer à notre place pour nous racheter. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, la justice divine a été satisfaite. Il a totalement payé pour nos péchés. C'est pourquoi lorsque tu entres en Jésus-Christ, tu bénéficies de ce pardon-là. Lorsque tu n'es pas en Jésus-Christ, ce pardon ne te concerne pas. Est-ce que tu comprends? Mais dès que tu adhères, c'est comme dans une nation. Lorsqu'une nation ne rectifie pas une convention, la convention ne s'applique pas à cette nation. Est-ce que tu comprends? Il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha, Dieu a ratifié une convention avec toute l'humanité. Lorsque Jésus est mort sur la croix de Golgotha, il a dit, je vous pardonne vos péchés. Mais il faut que toi-même tu adhères à cette convention en signant. Comment? C'est en acceptant Jésus. C'est pourquoi on dit en lui. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens en lui. C'est-à-dire, ce pardon-là, cette convention qui a été signée il y a 2000 ans, tu rectifies et tu bénéficies du pardon. Alléluia. Quelle grâce. Troisième vérité. En Jésus, nous bénéficions de la sagesse et de l'intelligence. Il est dit au verset 8 que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Dieu a répandu toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ici, la sagesse, l'intelligence dont il s'agit, ce n'est pas la sagesse de ce monde. C'est la sagesse divine qui nous permet de connaître les mystères divins, qui nous permet de connaître Dieu, qui nous permet de connaître sa volonté. C'est l'intelligence divine. Écoute-moi bien. Tu peux avoir un diplôme d'agrégation, tu peux avoir une maîtrise, tu peux être ingénieur, docteur, mais écoute-moi bien, tu as besoin de la sagesse divine, de l'intelligence divine. Et cette intelligence est répandue en nous lorsque nous acceptons Christ. Est-ce que tu comprends? On dit, cette intelligence fait quoi? Au verset 9, nous faisons connaître les mystères de sa volonté. Pour que tu connaisses la volonté de Dieu, il faut qu'il te communique son intelligence divine. C'est pourquoi tu dois prier pour lui, Seigneur, donne-moi cette sagesse, cette intelligence divine que nous avons seulement en Jésus-Christ. Et cette sagesse, cette intelligence, il dit, nous faisant connaître les mystères de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Les gens de l'ancienne alliance ne pouvaient pas saisir ces mystères. C'est nous de la nouvelle alliance qui avons la grâce de comprendre les desseins de Dieu. Il a pris le dessein de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Quelle grâce avons-nous de connaître ce Jésus-là? Je voudrais ce matin que nous puissions les louer, que nous puissions les célébrer en chantant ces cantiques. Gloire au Dieu des armées, gloire à celui qui est assis sur le trône de gloire, celui devant lequel les archanges, les chérubins, les séraphins se prosternent et disent qu'il est trois fois saint. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Son puissant nom, il est assis, il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Son puissant nom, il est assis, il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Son puissant nom. Alléluia, alléluia. Il est glorieux, le roi, le roi des cieux. Sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Jésus est assis, il est assis sur son trône élevé. Oh, alléluia. Et tous dans les yeux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Son puissant nom, Saint, Saint, Saint, Saint, Saint, est son puissant nom. Il est trois fois saint, Saint, Saint, Saint, est son puissant nom. Gloire à Dieu, il est un Dieu merveilleux. Il est le Dieu qui nous rachète de l'esclavage. Il est le Dieu qui nous pardonne. Pourquoi ne pas le louer en élevant nos voix tous ensemble? Bénissons son saint nom. Sois béni, Éternel, notre Dieu, toi le Dieu qui nous a racheté de l'esclavage de l'ennemi. Oh, sois béni, toi qui nous a pardonné. Merci, oh Père, toi qui nous a accordé la rémission et la rédemption de nos péchés. Oui, tu nous as racheté à grand prix. Nous t'élevons pour cela. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Nous te bénissons, Père, toi qui nous donne la sagesse nécessaire afin que nous puissions connaître le mystère de ta volonté. Merci, ô Père, pour les rachats. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté que tu ne cesses de nous manifester jour après jour. Sois béni, notre Seigneur et notre Père. Toi, le Père de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à l'émission OSB, acronyme qui veut dire opération sur la brèche. Nous prions chaque matin à partir de 5h, temps universel. Et cette émission est rediffusée sur notre site web. Si cette émission vous a fait du bien, parlez-en à d'autres personnes partout dans le monde et donnez votre témoignage sur la manière dont Dieu vous a restauré, dont Dieu vous a visité. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 10. Nous avons vu qu'en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. C'est-à-dire, nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas refuser toute forme d'esclavage. Il y a peut-être les démons qui cherchent encore à te maintenir esclave. Il y a des sorciers, il y a des pouvoirs d'envoûtement, des sirènes des eaux, il y a des péchés. Tu vas déclarer que tu n'es plus esclave de ces choses parce qu'en Jésus, tu bénéficies de la rédemption par son sang. Il invoque le sang de Jésus dans ta vie. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Très excellent Père, je te rends grâce, je te bénis et je te glorifie. J'avais mis en toi mon espérance et tu t'es incliné vers moi. Tu as écouté mes cris, tu m'as délivré de la fosse de destruction. Ce matin, Père éternel, je te rends grâce et je te glorifie. Je bénis ton saint nom pour toutes les grandes choses que tu réalises dans ma vie. Toi qui es Dieu d'éternité en éternité, je te remercie parce que tu me protèges contre mes ennemis. Je te remercie parce que par son sang précieux, ton fils Jésus-Christ m'a délivré des mains de mes ennemis. C'est pourquoi je déclare ce matin qu'aucun homme, qu'aucune femme, qu'aucun esprit, qu'aucune entité ne peut compromettre le plan de Dieu sur ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que je suis plus que vainqueur. Toute forme d'attaque de l'ennemi, toute forme de projection de l'ennemi, tout complot satanique contre ma vie, contre ma destinée est voué à l'échec dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur parce qu'en Jésus-Christ, j'ai la victoire. Je te remercie, Père éternel, ce matin pour les grandes délivrances. Je te remercie pour la sécurité, pour la protection. Je te remercie, Père éternel, pour tes fils et tes filles que tu sécurises dans le sang de ton fils Jésus-Christ. Je te remercie pour la protection et je te remercie pour l'exemplarité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié à tous égards. C'est au nom de ton fils Jésus-Christ que j'ai prié avec action de grâce et avec assurance. Amen. Amen. En Jésus, nous bénéficions également de la rédemption et de la rémission. La rémission, le pardon de nos péchés. Si t'es arrivé des péchés quelque part, demande pardon. Confesse ton péché et dis, Seigneur, je reconnais mon péché. Et le Seigneur te pardonne. Et tu vas refuser l'esprit de culpabilité parce qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. En Jésus, tu as la rémission de péché selon la richesse de sa grâce. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, espérance. Opération voulais te dire merci, notre Dieu, notre Père, parce que ta parole est claire. Ta parole est claire également. Elle est vérité. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang de Jésus-Christ est disponible. Notre Dieu, notre Père, nous voulons prier ce matin pour tes enfants qui croupissent sous le poids de la culpabilité, qui pensent que tous les actes qu'ils accomplissent, ils ne méritent pas le pardon. Oh, le sang de l'agneau est là. Nous prions que cette parole est là pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous éduquer. Au lieu de fuir l'Église, au lieu d'abandonner l'Église, en se culpabilisant, en commençant à boire, à se droguer, à aller dans les plaisirs pour notre Dieu, notre Père, pour se voiler la face. Mais le Seigneur Jésus-Christ, son sang est encore disponible. Il y a la rémission des péchés. Il y a le pardon de Dieu. Il y a l'amour de Dieu. Il y a la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Par son sang, il est prêt à nous mettre au large. Que cette occasion soit saisie par tes enfants. Merci Père, parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que la vraie sagesse, la vraie intelligence, c'est celle que nous avons en Jésus. Tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai besoin de cette sagesse, j'ai besoin de cette intelligence afin de connaître, de pénétrer les mystères de ta volonté. Je vais marcher selon ta volonté. Je vais connaître le mystère de ta volonté pour moi et pour ma famille, pour ma nation, pour le monde, pour l'Église. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Ô roi éternel, le Dieu invisible, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, tu détiens toute sagesse et tu es l'auteur de la sagesse. C'est toi qui donnes la sagesse, car tu as la sagesse infiniment variée en toi. Ce matin, nos yeux comptent, espèrent en toi, parce que nous voulons cette sagesse de toi. Pour diriger nous-mêmes nos propres vies, pour diriger nos familles, pour diriger, oui, nos activités, nos affaires, pour que à l'Église, ta sagesse nous anime. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de ce don de sagesse. Nous avons besoin de cette grâce pour que nous soyons des hommes sages, des hommes sages, des hommes sages. La sagesse d'en haut, la sagesse qu'il faut dans toute œuvre, dans toute décision, partout. Cette sagesse de Dieu pour nous accompagner, pour nous accompagner, pour nous faire, pour nous entraîner vers des pas géant à prendre pour nous aider à aller de l'avant et à faire toutes choses selon ta sagesse. Merci. Nous t'avons demandé dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. À demain. Au revoir. À nous la puissance, par son bras puissant.